Flaming panties that flood in my. CKRL. Faites la découverte d'une fête foraine artistique extraordinaire. Du 11 au 16 juillet, c'est le grand retour du Manorium, l'étrange fête foraine. Co-commissarié par Eve Cadieux et Vincent Roy, cette exposition itinérante sous roulotte et chapiteau regroupe les œuvres d'une douzaine d'artistes et collectifs en arts visuels et multidisciplinaires qui posent un regard sur l'être humain dans toute sa beauté et ses multiples failles. Inspiré de la tradition des 19e et 20e siècles, Humanorium est un rassemblement en plein air, original et gratuit, où les différentes attractions saisissantes vous feront vivre des émotions fortes. Humanorium, du 11 au 16 juillet, à l'île aux Fleuries à Québec, sous les bretelles de l'autoroute Dufresne-Montmorency, et à Trois-Rivières, dans le parc Champlain, du 25 au 30 juillet 2019. Toutes les informations sont disponibles sur humanorium.com. De retour, on jette un petit coup d'œil à l'arrière. Il y avait, on a conclu là, ce qui ressemblait à un heureux mariage de Steve Village, de Osred Tentacle, de Gong. C'est un groupe belge qui a pour nom Quantum Fante. Quantum, Q-U-A-N-T-U-M, Quantum Fante. Et c'est de loin leur... C'est pas des débutants. Là. Je pense qu'ils en sont rendus à leur 8. Je pense que c'est leur 8e, sauf erreur, qui a pour titre Yemaya Orisha. Et en passant, si vous avez aimé, vous pouvez quasiment piger au hasard dans leurs disques. Ils sont tous bons. Avant, on avait d'Italie Watchers of the Trees de l'album Fireflies in the Wood. Et le coup d'envoi, c'était Giorgio. Nat Fjolin, un groupe norvégien qui était un peu comme... comment je pourrais dire? Il n'est pas ouais, passé inaperçu. Les premières parutions étaient assez confidentielles et jusqu'à temps que la maison Charisma les récupère. Et c'est leur, je pense que c'est leur deuxième album à temps plein. Leur deuxième album... longue durée, mais on va dire ça comme ça. Nat Fjolin, ça c'est sorti là, au mois de mai. Et ben écoute, on va aller faire dernière heure ensemble. On va aller faire un tour cette fois-ci du côté de l'Italie avec un groupe qui, moi en tout cas, m'avait bien convaincu avec leur deuxième album. Là, ils reviennent à la charge avec un album qui est paru en sur une étiquette britannique, contrairement aux autres à leurs autres disques. Et l'album s'intitule tout simplement K et le groupe a pour nom Evelyn Dust. Into the room, her blue eyes curious and white. A glimpse suggests she hides something inside, deep inside. She seems to feel the weight of people's gaze. No tears streaming down her face. Proud and strong, she's something they've never seen. They've never seen. Days have passed and she has fit right in. A joy so pure she needs to. Voice of soft, her classmates up and look and cry. They hear and cry. She sings a secret tells her darkest day. Not sure they'll see what she described. Some so sad that child should never hear. They cannot hear. steps into the room. Her joyful eyes are shining blue. She sings of nightmares no child should ever bear. She seemed alone, now she's aware. The voices sung together can light the darkest day. She smiles, no shadows on her face. Thank you. as the sun is falling is take away the day. Meanwhile, dinner's almost ready from the fields, the farmer is coming back. deadly work, the eyes of the man. Look beyond the curtain. If everything is normal, outside all is dark and quiet. Think it was only a dream. Thank you. Catherine Casie présente Seb du Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb du Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Ninkasi dès 21h. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou via le point de vente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com au 418-717-2222. Et nous voilà de retour. Un bloc musical italien pour ce qu'on vient d'écouter. C'est, le dernier groupe étant Overture, un jeune groupe italien de l'album Overture. À ma connaissance, je sais qu'il travaille sur un second, mais il n'y a pas encore de date là, d'annoncer à ce sujet-là. Évidemment, on surveille, nous. Il y avait tout juste avant Sessione Frenante, de leur plus récent Nuove Dimensioni. Et on avait amorcé avec Evelyn Dust l'album Key. C'est le... Je pense, écoutez, il est paru il y a... Je dirais peut-être un mois, là, maintenant. Et pas disponible en Italie, seulement sur un label britannique. J'ai fait quelques recherches là, pour voir. Et pour le moment, il y a malheureusement juste aux États-Unis. Ben, peut-être aux États-Unis aussi, là, mais il n'est pas facile à trouver pour le moment. Evelyn Dust, Key. On parlait d'Italie. On va amorcer le dernier bloc musical avec... c'est un projet, enfin, finalement, solo, là, plus qu'autre chose, mais c'est un homme orchestre, le monsieur là, Sergio Caleca, qui est l'ancien claviériste de UB Mayor. Et c'est ce qu'on va écouter après. Tout de suite, là, je pense. Bruno me fait signe, mon niveau tout de suite. Donc, c'est une pièce qui est... C'est la seule pièce qui est sur CD pour le moment. On la retrouve sur le CD compilation qui accompagne le livre Rock Progressivo Italiano, volume 2, publié par Terra Incognita. Donc, pour le moment, c'est la seule pièce. Je sais que Sergio voulait éventuellement publier en CD, mais pour le moment, il est assez prudent. Je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est probablement son meilleur disque. C'est de la musique instrumentale, et comme lui, il dit, ça prend beaucoup d'imagination, et c'est pas ça qui lui manque, comme vous allez pouvoir en juger, avec un extrait de l'album « Il Dado e Trato », qui est pour le moment est audio numérique. On y va donc avec « Abelard 2 ». Thank you. I'm In the dark before dawn, in the cold of the night. It happened before the beginning of time. When all was there as one, the darkness and the sun, the knowledge of the gods, so perfectly clear. Search for the truth with you all seeing eye, moving the world with a power inside. A world long before the beginning of time, when all was there as one, the darkness and the sun, the knowledge of the gods, lay down on the islands of heaven. Feel that we are of the sun. Look to the stars and keep this love forever. Fly into the arms of love. Toujours aussi bon. RPVL, Tales from Outer Space. J'adore ce groupe. Je pense que tout le monde le sait. On avait aussi... Je l'avais dit Aberlard tout tantôt. Hein, c'est ça, le groupe italien. Et puis, mon Dieu... Bruno me regarde. Je pense qu'écoutez, c'est déjà le temps de vous dire bonne nuit. Ah, bon, pas tout de suite, Bruno? On rigole. Oh oui, OK, on y va. Oh oui. Écoutez, déjà, c'est ça. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Et puis, ben, restez des nôtres. Il y a Jacques avec l'autoroute dans quelques instants. Et puis, ben, je vous invite à visiter notre page Facebook, Terra Incognita. On a toujours des nouvelles et évidemment, ben, ce qui a joué à l'émission. Donc, vous pouvez vous y rendre régulièrement. Il y a toujours quelque chose.